Unité 1. Page d'ouverture. Page 13. Activité 2 et 3. Piste 4. Bonjour. Salut. Ça va ? Ça va, merci. Et toi ? Ça va bien.